voir le monde, à qui fait bon visiter, sentir que la terre est ronde et qu'elle tourne sous nos pieds. Fermez les yeux 3 secondes, Radio Arverne de par les ondes. Sans trébucher, vous invite à voyager, c'est très facile, y a qu'à rêver. Fini la semaine et son labeur quotidien. Sur Radio Arverne, vive les dimanches matins. L'émission qui tourne comme un plateau de phono. Y'a Christophe de l'autre côté du micro et les rois du bal. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur les ondes d'Arverne. Christophe en votre compagnie dans l'émission Les Rois du Bal. Chaque dimanche matin de 10h à midi et le samedi soir 19h-21h pour la rediff de votre émission Les Rois du Bal. Avec le grand plaisir d'être avec vous chaque week-end pour partager un moment d'accordéon ensemble. 2 heures d'accordéon, ça passe vite. On est très heureux d'être avec vous. Excellent week-end sur les ondes d'Arverne. Sous nos pieds, fermez les yeux 3 secondes, Radio Arverne de par les ondes, sans trébucher, vous invite à voyager, c'est très facile, y'a qu'à rêver, d'un ailleurs fait 2000 couleurs, Radio Arverne, radio du bonheur. Dimanche, 10h midi. 10h midi. C'est les Rois du Bal sur Radio Arverne. En rediffusion le samedi, 19h-21h. Écoutez, découvrez. Radio Arverne. 100.2. Et voilà, El Cachouini et le Passo de Barcarès avec notre ami André Rock que vous avez pu reconnaître bien sûr dans cette émission Les Rois du Bal. Christophe, en votre compagnie jusqu'à midi avec l'accordéon, tous vos accordéonistes que vous aimez écouter dans cette émission et puis le samedi soir 19h-21h pour la rediff de l'émission. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site de la radio, radioarverne.com, écoutez, découvrez, et puis vous pouvez podcaster l'émission Les Rois du Bal, donc n'hésitez pas, il suffit tout simplement d'aller dans le podcast, vous allez sur les souvenirs, où vous pouvez retrouver comme des émissions comme Les Années Musiques, comme Arverne Graffiti, Face à Face B et plein d'autres choses, dont l'émission Les Rois du Bal. Vous cliquez sur Les Rois du Bal et vous avez vos émissions du 7 au 21 février pour cette semaine. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur le Facebook de l'émission Les Rois du Bal et puis aussi sur le Twitter, donc on tweet aussi pour l'émission Les Rois du Bal. Allez, on va continuer avec Il y a toujours un accordéon et c'est l'ami Michael Richard qui nous interprète ce morceau sur les ondes d'Arverne. Nous étions en compagnie de Michael Richard avec Il y a toujours un accordéon sur cet album que vous pouvez vous procurer un peu partout chez tous les bons disquaires. On va retrouver la valse, on va tourner à l'envers à l'endroit avec l'accordéon, vous le savez, dans l'émission Les Rois du Bal. Avec la valse musette, comme vous l'aimez, nous l'aimons, vous faire danser. On va partir avec Frédéric Langlais, ça s'appelle Apollo Valse. On le retrouve tout de suite, sans plus tarder. Merci encore une fois d'être fidèle à notre rendez-vous de l'accordéon et de nous accueillir chez vous par le biais des ondes d'Arverne. l'instant, André Verschuren avec Amour de valse sur l'album des duos de stars avec beaucoup d'artistes qui avaient enregistré cet album. On va partir avec le tango et puis Jean-Marc Delorme tout de suite avec Elle, premier tango, et juste après ce sera Tango, le tango des jours heureux avec Maurice l'Archange. Excellent week-end sur les ondes d'Arverne. Merci encore une fois de nous être fidèles et n'hésitez pas à aller nous retrouver sur le Facebook de l'émission, d'aimer la page et vous aurez accès à toutes les informations de votre émission Les Rois du Bal. El premier tango. Primer tango. Si. Sais-tu que chaque fois que nous sommes, toi et moi. Je repense au petit bal au bord du canal. Sais-tu que ce soir-là, notre amour vivait déjà dans les mots d'une chanson, et nous le dansions. Valson Dancing avec Sébastien Perrin sur l'album 1, 2, 3, Musette. À Brassac-les-Mines, 100.2. Et vous êtes toujours sur le 100.2 d'Arverne avec Christophe en votre compagnie dans l'émission Les Rois du Bal. On va partir quand au village, ça s'appelle Quand tu reviendras au village, avec Sébastien Perrin et notre ami

piano à bretelles vous donne rendez-vous sur Arverne. Retrouvez vos morceaux préférés, vos dédicaces, les jeux, les cadeaux des invités, les bals et festivités de votre région, chaque dimanche de 10h à midi et le samedi de 19h à 21h. L'accordéon est roi avec Christophe dans les Rois du Bal. Allez, c'est l'heure d'aller danser le fox, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Après ce Zimbola, on va reprendre un peu notre souffle avec l'ambiance fox du Magic Swing Band. Et après, on aura Foxy. Merci d'être là pour l'accordéon dans l'émission Les Rois du Bal. Et voilà, à l'instant, nous étions avec le Magic Swing Band, avec Foxy. On a dansé le Fox sur le 100.2 d'Arverne. Merci encore une fois de votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous jusqu'à midi pour l'émission en direct. Et puis le samedi soir de 19h à 21h pour tout simplement la rediffusion de votre émission préférée. Je sais que vous n'attendez pas le samedi soir pour l'écouter, vous la podcaster. Vous avez bien raison sur le site de la radio, radioarverne.com. Vous allez dans le directement dans les podcasts, tout est expliqué, n'hésitez pas à aller les retrouver. Nous, on est très heureux d'être avec vous. On nous a demandé le sirtaki, et ben on va aller danser le sirtaki tout simplement. C'est parti sur Arverne 100.2. Comme font tous les amoureux, puis nous partirons vers les îles ouvrant nos voiles, loin de la ville, avant de faire escale. Nous y serons l'année prochaine si tu veux. La vie méditerranéenne nous manque un peu. Le soleil sur les oliviers et le parfum des orangers, et puis aussi la danse du sirtaki. Hey, viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les îles et l'amour fou. Nous danserons le sirtaki toutes les nuits avec tous nos amis. Viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les îles et l'amour fou. Nous danserons le sirtaki jusqu'à minuit devant la mer qui dansera aussi. C'est bien peu. Ces nuits méditerranéennes, ces jours heureux. Le soleil sur les oliviers et le parfum des orangers, et puis aussi la danse des sirtaki. Ouais. Viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les îles et l'amour fou. Nous danserons le sirtaki les nuits avec tous nos amis. Viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les Sirtaki jusqu'à minuit devant la mer qui dansera aussi. Et voilà le Sirtaki. Nous danserons le Sirtaki avec, eh bien, Jérôme Robert et son ensemble que nous venons de retrouver sur le 100.2 d'Arverne. Allez, il est temps pour nous de partir à Rosas avec Michel Pruvot qui nous interprète à Rosas en Espagne. Et c'est le Paso Doble que l'on retrouve tout de suite. Michel Pruvot, on était parti à Rosas avec danser ce magnifique morceau. 11h passées de quelques minutes sur le 100.2 d'Arverne. Ou si vous écoutez la rediffusion, c'est qu'il est tout simplement 20h. Merci d'être avec nous dans l'émission Les Rois du Bal. On va continuer, bien sûr, on va continuer avec la suite de votre émission Les Rois du Bal. Je voulais juste vous remercier encore une fois de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous laisser des messages sur le Facebook de l'émission Les Rois du Bal. Christophe, en votre compagnie, bien sûr, même sur le Facebook, on remercie Nini qui nous... remercie d'égayer les dimanches matins sur Arverne. Merci beaucoup, merci à vous d'être fidèles puisque on est encore là sur Arverne. Allez, on va danser la bachata, on nous l'a demandé. J'espère qu'elle va arriver d'ici quelques secondes. Le temps pour nous de vous rappeler que vous pouvez nous écrire à Radio Arverne, Les Rois du Bal, Christophe, espace La Vague, place Marcel Collange, 63 360 Gerza. Et puis vous avez envie de nous écrire, n'hésitez pas, c'est l'adresse que je viens de vous donner, ou bien aussi par le site et le biais des roisdubal.com, ou bien tout simplement par le site lesroisdubal.com, oui, le Facebook, et puis vous pouvez aussi nous envoyer vos Twitter. Donc merci encore une fois d'être avec nous, fidèles à ce rendez-vous de l'accordéon chaque dimanche matin, 10h midi, et ça nous fait très plaisir d'être là. La bachata, oui, qui devrait arriver dans quelques secondes, a priori, elle n'arrive pas à se caler, c'est pas grave, on va la retrouver. Si, c'est parti, la voilà. Ah, ça sent bon l'été, hein. La bachata. Bachata, mi amor. Danse encore et encore. C'est un voyage sur une île jolie comme un trésor. Oh oh, bachata, que calor. Moi je veux danser, t'embrasser, señorita. C'est si beau de rêver dans tes bras. La bachata. La musique et l'amour me redonnent des ailes. Oh, oh, oh, c'est la bachata qui enflamme nos nuits dans la chaleur d'été. Jolie fille, viens danser, t'enrouler. Avec cette bachata mi amor de Jérôme Robert que nous venons d'écouter. Allez, on part avec la cumbia maria, c'est toutes ces danses à la mode qu'on danse aussi sur Arverne. Allez, c'est parti avec la cumbia maria. We'll be right back. Voilà, c'était la Cumbia Maria, c'est nouveau, interprété par Sébastien Perrin, que vous pouvez retrouver sur son nouvel album et l'extrait du DVD. C'est parti pour la fiesta, disponible chez cdaccordéon.com, que vous pouvez retrouver aussi bientôt sur le site de l'émission Les Rois du Bal. Voilà, pour tout vous dire, le site est en cours de maintenance. Vous aurez un nouveau site tout beau, tout chaud d'ici quelques semaines. Il va arriver et puis on vous l'avait promis aussi. Le retour des dédicaces, ça va arriver, on est en train de finaliser tout ça, on vous expliquera bien sûr tout ça d'ici quelques semaines, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, voilà, vous nous le demandez, alors on vous répond, vous le savez, on est transparent dans l'émission Les Rois du Bal sur Radio Arverne. Allez, on va danser le Madison, cap sur le Madison avec Mathieu Choca, et juste après ça sera Joli Madison avec Eric Bouvel. Tiens, vous pouvez aller aussi retrouver le site de votre station préférée Radio Arverne, Les Rois du Bal, radioarverne.com, où vous pouvez retrouver toutes les informations sur votre radio préférée, toutes les émissions, la photo des animateurs. N'hésitez pas à venir nous retrouver, et puis sur le Facebook de votre émission, n'hésitez pas à venir à être fan de la page, et puis on pourra parler ensemble tout au long de cette émission, ou même pendant la semaine, n'hésitez pas. Vous pourrez même, si vous avez envie, de faire vos dédicaces en message privé, on aura l'occasion de vous en reparler. Voilà, on va remercier l'animateur qui a oublié de couper le portable avec sa sonnerie. On va retrouver tout de suite cap sur le Madison. Allez, Mathieu Choca. Sur Madison, sur Madison. Allez, avec le Madison, on continue tout de suite avec Jolie Madison, Eric Bouvel. Et puis, on va vous parler dans quelques instants de l'émission télé 1, 2, 3, Musette. Voilà, à l'instant, Jolie Madison avec Eric Bouvel. Allez, on vous parle de 1, 2, 3 Musette. 1, 2, 3 Musette, à la télévision. Un petit souci avec le jingle, bon, c'est pas très grave. On le retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Juste pour vous dire, effectivement, que vous pouvez retrouver l'accordéon, hein, bien sûr, hein, sur Vosges TV avec notre ami Jérôme Richard et bien sûr Pierre-Yves Lombard qui présente cette émission tous les deux pour vous faire passer un moment agréable avec les émissions d'accordéon. C'est à la télé. C'est disponible partout en France. Il suffit pour nous, hein, dans notre belle région Auvergne, et puis dans toutes les régions, de vous retrouver sur Vosges Télévision. Vous allez sur le site, vous pouvez retrouver Vosges Télévision, les émissions en direct, 1, 2, 3, Musette. C'est diffusé le dimanche matin à 9h05, et la rediffusion de l'émission du dimanche, c'est demain, le lundi, à 14h, avec des rediffusions des saisons précédentes, le mardi à 14h, le jeudi à 14h, et le vendredi à 14h. 14h. Et demain, vous retrouverez dans cette émission des invités spéciales de la région, de notre belle région d'Auvergne, avec Karine Ray. Et puis, bien sûr, vous retrouverez tout le programme dans cette émission avec 1, 2, 3 musettes. Voilà, vous pouvez retrouver l'accordéon Jérôme Richard qui chante et qui danse avec tous les musiciens de cette émission. Voilà pour l'émission 1, 2, 3 musettes à la télévision. Voilà, 1, 2, 3 musettes. Et puis, bien sûr, on parle d'un, 2, 3 musettes, mais on peut parler aussi de Wéo. Wéo qui est dans le Nord-Pas-de-Calais avec l'ami Michel Pruvot. Et oui, sur un air d'accordéon, ça existe toujours avec des émissions, avec tous les accordéonistes. Là aussi, Wéo, c'est aussi sur le site internet de Wéo. Vous pouvez aller retrouver les émissions en podcast et vous pouvez les retrouver en direct. C'est tous les jours, si je me trompe pas, à 14h avec sur un air d'accordéon, par exemple avec la dernière émission où il y avait Cédric Després et puis plein d'autres accordéonistes, toujours Michel Pruvot à la présentation de cette émission. C'est sur Wéo dans le Nord-Pas-de-Calais et c'est présenté par l'ami Michel Pruvot. C'était ça sur un air d'accordéon, rappelez-vous. Bonjour les amis, merci d'être présents encore chez vous. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous regarder. Faites-en part à vos amis, hein. On vient pour passer un moment agréable, une petite demi-heure ensemble. Un public formidable ici à Tournemême sur la M chez Ballpark. Voilà, Michel Pruvot que vous pouvez retrouver donc c'est sur un air d'accordéon sur Wéo TV où vous pouvez le retrouver tous les jours à 14h30. N'hésitez pas, c'est sur le site internet tout ça. Donc on va retrouver la suite de votre émission préférée, l'émission Les Rois du Bal. Voilà, avec plein d'invités dans cette émission que vous retrouvez sur Arverne bien sûr chaque dimanche matin de 10h à midi. Tout ça, vous le savez, c'est juste après ça. Dimanche, 10h midi. 10h midi. C'est Les Rois du Bal sur Radio Arverne. En rediffusion le samedi, 19h, 21h. Écoutez, découvrez. Radio Arverne. 100.2. Et l'eau d'Oli à l'instant sur l'album de Jean-Marc Delorme, avec bien sûr tous les musiciens que vous avez pu retrouver. On va partir, non tout simplement avec la marche, puisque vous nous l'avez demandé, à corps et à cri avec Alain Musichini. Allez-y les marcheurs, c'est parti sur le 100.2 d'Arverne. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver les balles et festivités de notre et de votre région. Allez, on y va, allez-y les marcheurs. Allez-y, les marcheurs et l'ami Alain Musichini. Elle, Christophe Vérin, nous interprète comment ça va, un grand succès de l'accordéon. J'espère que vous allez bien sur les ondes d'Arverne. 11h passées de 26 minutes, 20h26 si vous écoutez la rediff de l'émission avec l'accordéon. Allez, comment ça va? Ben, nous, ça va bien, on est en forme. Comme ça, avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Comment ça va? Comme ça, avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Sors par la fenêtre, va danser le soir. Mets ton cœur en fête, commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y a toujours quelqu'un quelque part. batteront de tes caresses. Mais il faut donner pour savoir comment ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Et ne t'épuise pas à chercher trop loin. Le bonheur est là, à portée de main. Regarde mieux autour de toi, y a plein de gens qui te ressemblent. Un plus, ça, ça fait toi. On va y arriver ensemble. Je suis le docteur en bonne humeur. Une chanson, ça sert à ça. Je vais te réparer le cœur. Si tu viens chanter avec moi. Wow. Comme ça, avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Aïe, comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça, avec un peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Dimanche, 10h midi. 10h midi. C'est les rois du bal sur Radio Arverne. En rediffusion le samedi, 19h-21h. Écoutez, découvrez. Radio Arverne. 100.2. Sur la route de Calvi. Radio Arverne. À Brassac-et-Mine. 100.2. Le meilleur du musette. Le meilleur du musette. C'est dans les rois du bal, sur Radio Arverne. Écoutez, découvrez. Voilà, merci de votre fidélité. Allez, on va continuer tout de suite avec un autre morceau. D'ici quelques secondes, le temps de vous rappeler que vous pouvez nous écrire à Radio Arverne, les rois du bal. Christophe, espace Lavague, place Marcel Collange, 63-360, Gerza. On est parti pour un grand classique de l'accordéon qui s'intitule Bourrasque. C'est avec l'ami Michel Pruvot que nous retrouvons tout de suite. Et puis, d'ici quelques secondes, les bals et festivités de notre et de votre région. Thank you. en classique, le fameux coucou Musette. Musette avec l'accélération à la fin dans ce morceau avec Mathilde Royer. Mathilde, que vous pouvez retrouver sur cet album. Mathilde Royer, le coucou Musette. On part avec ma fleur des îles et dans quelques secondes, les balles et festivités de notre et de votre région sur le 100.2 d'Arverne. Quand elle entre dans la danse, elle nous met un genou, on est tous un peu fous. Elle ondule comme ça, glissant de haut en bas. Quand la musique est bonne, elle s'abandonne. C'est l'ambiance des îles qui envahit le bal. Il y a le soleil qui brille, plus de ciel gris, c'est génial. Ce soir elle met les voiles, la tête dans les étoiles. Elle ne peut plus l'arrêter, elle ne fait que danser. C'est ma doudou, ma fleur des îles, moi je l'appelle comme ça. Avec tous ses bijoux qui brillent et sa petite robe en soie. Tous ses bisous tout doux me rendent complètement fou. Elle sent bon la vanille des îles et le sable chaud des Antilles. Le bon vieux rhum et la biguine qui réchauffe le cœur des filles. Hey. comme ça, avec tous ces bijoux qui brillent et sa petite robe en soie. Tous ces bisous tout doux tout doux me rendent complètement fou. Elles sent bon la vanille des îles et le sable chaud des Antilles. Le bon vieux rhum et la béguine qui réchauffe le cœur des filles. Hey, c'est ma doudou, ma fleur des îles, moi je l'appelle comme ça. Avec tous ces bijoux qui brillent et sa petite robe en soie. Tous ces bisous tout doux tout doux me rendent complètement fou. Elles sent bon la vanille chaud des Antilles, le bon vieux rhum et la béguine qui réchauffe le cœur des filles. Le bon vieux rhum et la béguine qui réchauffe le cœur des filles. Le bon vieux rhum et la béguine qui réchauffe le cœur des filles. Et vous, que faisiez-vous cette année-là? Avez-vous envie de replonger dans les vieux souvenirs? Voulez-vous remonter le temps en musique? Alors, rejoignez Jean-Luc Chanson pour ce beau voyage tous les mercredis soirs dans les années musiques de 21h à 22h. Rediffusion les dimanches à 15h. Des studios de Nashville au Honky Tonk de Austin. Retrouvez toute l'ambiance américaine dans Crossroads avec Bernard Houdert. 2 heures de country music qui viennent de s'ouvrir. Toute l'actualité et les nouveautés country, c'est Crossroads le mercredi à 19h et le samedi à 14h sur Radio Arverne. Le piano à bretelles vous donne rendez-vous sur Arverne. Retrouvez vos morceaux préférés, vos dédicaces, les jeux, les cadeaux des invités, les bals et festivités de votre région, chaque dimanche de 10h à midi et le samedi de 19h à 21h. L'accordéon est roi avec Christophe dans Les Rois du Bal. Radio Arverne 100.2 vous présente The Big Cactus Country avec Johnny Dapiedad. Hello, pour tout savoir sur l'actualité de la musique américaine, celle que vous aimez, retrouvez-moi sur Radio Arverne 100.2 chaque dimanche à 18h avec une rediffusion le mardi à 23h. The Big Cactus Country, the best music and much more. Americana. New Country. Texas Music et toute l'ambiance des radios américaines comme si vous y étiez. Hey, this is Tracy Lawrence with Johnny. WXTU is Philadelphia's premier country station. The Big Cactus Country with Johnny. Encore un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Arverne 100.2. Et dans quelques instants, c'est les balais festivités de notre et de votre région. Juste après, adio bella gitana. Hier, ici, ailleurs, demain. Elle s'envole au fil des nuages, farouche et belle, princesse du voyage. Vagabonde, elle suit son étoile, de ville en ville, de ville en ville, de bal en bal, de bal en bal. C'est un bel une fille au cœur sauvage qu'on ne peut pas mettre en cage. Radio Bella Gitana, tu pourrais danser et te laisser vivre. Bella gitana, pourquoi n'aurais-tu pas l'envie parfois d'avoir à toi? Adio, bella gitana. Si tu pars, j'aimerais pouvoir te suivre. Bella gitana, c'est toi. La vie t'appelle vers d'autres cieux. Suivre. Bella gitana, c'est toi, belle rebelle. La vie t'appelle vers d'autres cieux. Adio, bella gitana. Belle chanson. Monsieur, c'est parti pour les balles, les festivités de notre et de votre région. Je vous rappelle que si une manifestation n'est pas annoncée ou déjà annulée sans que Harvard n'ait été informé, Harvard ne pourra en être tenu pour responsable. Je vous rappelle que la rubrique des balles et festivités, c'est entièrement gratuit. Il suffit de nous envoyer les balles à Radio Harvard. Les rois du bal, Christophe, espace La Vague, place Marcel Collonge, 63 360, Gerza. Allez, c'est parti, on danse en Auvergne, on danse dans la région, avec Gilles Roubertou, qui sera lui à Ravel, à la salle polyvalente. Ça danse chez Dubien pour Neuchâteau. Jérôme Arnaud, Aurélie Goubert seront à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, à partir de 14h30. Gourmet Prima sera au Seven à la Châtre. Bleu Nuit Musette, au casino de Noirétable. Bien sûr, dans la Loire. On part du côté de la Creuse, au casino des Vaux-les-Bains, avec Serge Foury. Sébastien Chazelle sera lui aux arcades de Barjavel à Courpierre. Thierry Bonnefou sera lui aujourd'hui aux Mélodies de Nacre à Tulle. Et puis à Saint-Georges-de-Mons, dans le Puy-de-Dôme, c'est Pascal Jameau que vous retrouverez pour vous faire danser avec tout son ensemble. Et bien sûr, avec l'ami Patrick Fradin au Dancing El Paso à Puy-Guillaume, aujourd'hui dimanche 28 février. On passe au 1er mars. La compagnie Traversale interprète les joueurs d'amour au Sémaphore et ce sera à Sébazin. Vous retrouverez bien sûr l'accordéon le jeudi, mercredi 2 mars pour un thé dansant. On en signe du bien à Pont du Château. Le 3 mars, c'est Michel Cheverin que vous retrouverez aux arcades de Barjavel à Courpierre. Le 4 mars, c'est le quartet jazz que vous retrouverez aux arcades de Barjavel à Courpierre. Et puis le 5 mars, vous retrouverez Jean-François Blanc en La Courrieuse de Pont du Château avec Éric Morgan. Le 5 mars, toujours, vous retrouverez Damien Poyard en matinée dans Signe du Bien à Pont du Château. Jean-François Blanc, Éric Morgan, comme je vous le disais, eh bien, l'Aquarius. Fabio sera au Madison à Col d'Allier. Un repas dansant avec les pâtes Chris Paul à Hamont-les-Juines dans l'Aveyron. Christine Mercier sera au Seven à la Châtre dans le 36. Et puis n'oubliez pas que vous pourrez retrouver notre ami Michael Richard à la table. Bien, c'est à Moissy à partir de 14h. Voilà pour les balles et festivités de notre et de votre région. Merci de vous avoir suivi dans cette rubrique. Je vous rappelle que c'est tout à fait gratuit. Il suffit de nous envoyer vos balles et festivités à l'adresse suivante, Radio Arverne, Les Rois du Bal, Christophe, Espace Lavague, Place Marcel Collange, 63 360 Gerza. On rappelle aussi que, bien sûr, une manifestation qui n'a pas été annoncée ou qui est annulée sans qu'Arverne n'ait été informée, Arverne pourra en être tenue, bien sûr, pour responsable. Continue dans quelques secondes la suite et la fin de cette émission Les Rois du Bal. En vous remerciant bien sûr de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter sur Arverne. Merci beaucoup. Et de nous retrouver aussi sur le Facebook de l'émission. Le Facebook, vous êtes très nombreux à y aller. Merci encore à tous. Vos messages, tous vos messages que vous avez envoyés ce matin, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Ami Carlos, que vous retrouvez d'ici 10 minutes dans l'émission franco-portugaise Le Peuple de la Mer. Et puis si vous écoutez la rediff, ça sera assez vraiment classique avec Michel Reynaud. Allez, à dans quelques secondes pour la fin de cette émission Les Rois du Bal. Le soleil brille, oui que c'est bon, viva la fiesta portugaise. De c'est tout bas la braga, c'est dimanche aujourd'hui. On mange patate et gras et le piri-piri. Juste un petit coup de vino, viva la fiesta portugaise. Et tout le monde danse le fado, viva la fiesta portugaise. cette danse endiablée, vous me voyez comblé. Mon vœu est exaucé, c'est une invitation à la joie, la gaieté. Une simple chanson pour rire et s'amuser. Cette chanson, Annie chantant l'Auvergne, que nous allons nous séparer et refermer le soufflet de l'accordéon. On était très heureux d'être avec vous pendant ces deux heures d'accordéon. Merci à vous. Merci encore une fois pour votre fidélité, vos nombreux courriers cette semaine. Merci encore de nous retrouver sur le Facebook de l'émission Les Rois du Bal et puis le site radioarverne.com. On se retrouve samedi soir, 19h-21h, pour la rediff de votre émission Les Rois du Bal. Et dimanche matin, 10h midi, pour l'accordéon avec Les Rois du Bal. Puis n'attendez pas, vous pouvez aller podcaster cette émission toute la semaine sur le site Les Rois du Bal. Et puis surtout sur le site de radioarverne.com. Merci de votre fidélité. À dimanche prochain. Salut! Qu'elle tourne sous nos pieds. Fermez les yeux 3 secondes. Radio Arverne de par les ondes. Sans trébucher, vous invite à voyager. C'est très facile, y a qu'à rêver. Fini la semaine et son labeur quotidien. Sur Radio Arverne, qui tout